Mathieu Delahousse. Et on parle bande dessinée avec Pascal Brutal, votre héros, Riyad Satouf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous avez 28 ans, vous êtes auteur de ces bandes dessinées. Pascal Brutal, La Nouvelle Virilité, publiée chez Fluide Glacial. Pourquoi vouloir incarner ce personnage, Pascal Brutal, La Nouvelle Virilité, qui donne finalement une image particulièrement effrayante du jeune. Du jeune? Bon, en fait, Pascal, il est plus tellement jeune quand même. Il doit avoir dans les 35 ans quand même. Et c'est vrai que c'est un personnage qui il est un peu à l'antithèse de moi, disons. C'est-à-dire que j'ai voulu me mettre à la place de tous ces mecs ultra musclés et balèzes qu'on voit quand on va dans le sud, par exemple, ou tous ces espèces de types à gourmettes, etc. Et j'en ai rencontré très souvent, et je me suis dit, mais quelle peut bien être leur vie, et j'essaie de les mettre en situation dans plein d'expériences diverses et variées. Alors, il est brutal, il a un problème avec les autres, de la violence en permanence. Et finalement, ce que vous avez illustré, c'est finalement les travers qu'on peut y trouver quand on croise ce genre de personnage, ou la fragilité d'une certaine façon. Disons qu'en fait, Pascal Brutal, il vit dans le futur en France, et la France, à cette époque-là, est dirigée par Alain Madelin. Donc, c'est une sorte de pays post-apocalyptique à la Mad Max, et donc, pour s'en sortir, il doit absolument être le meilleur, et c'est un monde de l'ultra-compétition, donc il n'a plus tellement de place à l'intelligence. Donc, c'est vraiment l'homme d'action avant la réflexion. C'est un homme d'action qui fuit la police quand elle le poursuit. Tout à fait. Frappe les gens quand on lui parle mal en arrivant dans une station-service. Pas tellement, c'est quelqu'un de violent malgré tout. Non, parce qu'en fait, c'est complètement illogique. C'est-à-dire qu'il va à la fois se défendre parce que quand il est acculé, puis à un autre moment, il va se mettre à pleurer parce qu'il voit la photo d'un petit chat. Il n'y a pas tellement de logique dans son comportement. Il est toujours au-delà de ses propres émotions. C'est un modèle que vous avez trouvé dans la vie réelle. Oui, bien sûr. Et c'est un type qui est entré dans mon atelier un jour sans frapper et qui s'est appuyé à mon bureau et qui a commencé à fouiner. Je m'étais dit, mais c'est trop beau, ce type-là existe. Et un personnage est entré dans mon bureau. C'est un personnage qui va se décliner en série? Oui, normalement, oui, je devrais en faire un autre. Riyad Satouf, vous avez 28 ans, vous êtes déjà imposé dans le monde de la bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a inspiré au tout départ? Je crois que c'est les colis de votre maman quand vous viviez, vous, en Libye et en Syrie, c'est bien ça? C'est vrai, comme j'ai habité en Syrie quand j'étais plus jeune. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Des bandes dessinées, c'est comme ça que j'ai découvert la bande dessinée. Et qui sont les pères spirituels de votre personnage, Pascal Brutal, ou en tout cas de son auteur, Riyad Satouf? De Pascal Brutal, je sais pas exactement, je dirais Van Damme et en même temps aussi Schwarzenegger, mais Alain Madelin, la politique de droite, c'est une BD politique un peu quand même. Hein. Et moi, mes idoles, c'est Hergé, c'est Dintin. On a appris ce soir la mort de Jean Robin, le père de Boule et Bill. 75 ans, ce sont les éditions d'Argo qui annoncent cette disparition. Est-ce que cette bande dessinée s'adressant aux enfants fait partie de votre culture, en tout cas d'enfant, et peut-être maintenant d'auteur de bande dessinée? Plus de ma culture d'enfant, oui. C'est vrai que Boule et Bill, tous les enfants de France ont lu ça au moins une fois. Donc c'est vrai que c'est de la bande dessinée populaire que j'ai toujours lu. Vous êtes enfermé dans une image de bande dessinée pour enfants, où vous avez le sentiment qu'on arrive maintenant à imposer ces bandes dessinées aux adolescents, aux adultes, à tout le monde. De plus en plus, la bande dessinée parle de sujets, plus entre guillemets nobles. Enfin, c'est pas que c'était pas noble avant, mais des sujets plus d'actualité, par exemple, ou en prise avec le réel. Vous avez commencé par le dessin ou vous avez commencé par les histoires? Non, j'ai commencé par le dessin, en fait, ouais. Comme tous les enfants frustrés, je dessinais beaucoup. Et après, les histoires, bien sûr. Mais pourquoi la frustration? Quand on n'arrive pas tellement à communiquer avec les autres, on se trouve des petits... Bon, il y en a qui deviennent guitaristes, il y en a d'autres qui deviennent forme politique, et moi je suis devenu dessinateur de BD. Et vous aviez commencé par dessiner quoi? Qu'est-ce que vous vouliez communiquer? Mes premiers dessins, des dessins qui représentaient des choses, c'était quand même des filles. Hein, ouais. Je représentais ce que je ne pouvais pas avoir dans ma vraie vie. C'est la directe suite. C'est mon travail aujourd'hui. La culture BD qui vous attire, c'est Gottlieb, c'est Pilote, c'est les choses qu'on voyait comme ça. Quelques titres de vos ouvrages précédents, c'est Manuel du Puceau ou alors Retour au collège. On sent un peu un esprit potage quand même là-dessus. Oui, non. Et après la frustration, on avait envie d'en rire. Oh ben non, mais tout à fait, mais c'est-à-dire que c'est la base de mes histoires, enfin, c'est de rigoler de ces sujets-là, mais c'est vrai que j'adore tous les auteurs pilotes, Bretéché, Petillon, Gottlieb, évidemment, quoi, c'est des Sampé, par exemple, les Goscinny, le petit Nicolas, c'est des références... Très important. Quand on a 28 ans et qu'on fait de la BD, on se dit que ces héros vont grandir avec soi. Eh ben, je me pose pas cette question tellement. Je me dis, j'espère que je vais continuer à pouvoir en faire. C'est le. Ouais, on se demande tout le temps ce qu'ils vont devenir. En effet, vont-ils vieillir, vont-ils mourir. Alors, d'ailleurs, je suis confronté à ça déjà dans certains trucs. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de mes personnages. Et on le suivra avec vous, Riyad Satouf, cet album en tout cas, Pascal Brutal aux éditions Fluide Glacial. Merci d'être venu à ce micro. Bonne soirée, dans 10 minutes le rendez-vous avec Pierre-Louis Vasse, le club européen de la Coupe du Monde. Plusieurs invités pour parler football. Comme tous les soirs, vous en avez l'habitude. Bonne soirée, merci à Marion Bousquerolle et Jean-Christophe Vagelzi. Il est 20h. De Pierre de Vindeau, bonsoir. Bonsoir, hier nous vous parlions du docteur Tramois et de l'infirmière Chantal Chanel renvoyée devant les assises pour